méchant des animes qui va vous pourrir. Alors shoot Adopi, celui qui te shoot pour des MP3, riposte gratuit qui au final te frise, qui pour sauver le web il t'arrache la prise. Alors shoot Adopi, celui qui te shoot pour des X vides, Albanel, SD2 grognasse, tu nous as eu ce coup-ci. Une loi à la con est venue, soi-disant pour aider les artistes. Une loi qui ne la met dans le sur le P2P il te pisse. Oh merde. La liberté du web est finie. Après la chute de 3D Realms, 3D quoi ? Et celle de Furnation, Furna quoi ? Fini celle du web ici. Oh, alors shoot Adopi, celui qui te shoot pour des MP3, riposte gratuit qui au final te frise, qui pour sauver le web il t'arrache la prise. Alors shoot Adopi, celui qui te shoot pour des X vides, Albanel, espèce de grognasse, tu nous as eu ce coup-ci. Je me suis retrouvé en taule, en compagnie d'un tueur de pie. C'est dingue qu'une telle noob ait été prise pour ce job-ci. Déjà avec son firewall de Open Office. Tu te retrouves en cage parce que t'as téléchargé Carla Bruni. Alors shoot Adopi, celui qui te shoot pour des MP3, riposte gratuit qui au final te frise, pour sauver le web, il t'arrache la prise. Alors shoot Adopi, celui qui te shoot pour des X vides, Albanel, espèce de grognasse, tu nous as eu ce coup-ci. C'est à cette pauvre conne que je parle là. Crois-tu vraiment que ça changera? Tu viens de tuer une ère du web pour en faire naître une autre moins belle. Avoir un flic sur chaque ordi, c'est complètement abusé, oui. Quelle connerie est devenue la vie depuis la naissance d'Adopi. Alors shoot Adopi, celui qui te shoot pour des MP3, riposte gratuit qui au final te frise, qui pour sauver le web il t'arrache la prise. Alors shoot Adopi, celui qui te shoot pour des X vides, Albanel, espèce de grognasse, tu nous as eu ce coup-ci. C'est le méchant des animes qui va nous pourrir. Attention, je vais être pris.